Troisième partie, 1. Quelle était Fringante au bout de son voyage, Anatolie ? Fringante et fière, si bien déliée. Dans une cour étroite, close de murs, un vieil arbre de tronc solide est enfermé. Ses branches extrêmes, lancées trop loin pour un petit espace, s'étiolent. Une seulement verdoie à merveille, comme si elle avait pris toute la sève restée sous l'écorce. Elle s'est dirigée plus haut que les autres. Elle est sortie hors de l'enceinte qui l'emprisonnait, par-dessus la pierre et l'ombre humide. Elle a gagné le grand air, le soleil. Elle a vaincu mille difficultés. Et la voici, avec le paradoxe charmant de sa verdure évadée. Qu'a-t-elle voulu ? Vivre ? Et comment vivre ? Elle ne le sait pas. Et vivra-t-elle ? Son audace qui l'a sauvée est imprudente. Anatolie s'accomplissait, en arrivant à Paris, l'exploit de sa volonté. Un assez bel exploit, pour qu'elle fût contente et n'eût pas tout de go la hâte d'une autre réussite. Celle-là suffisait à son heureux orgueil. Aussi, la branche si hardie ne prétendait qu'à s'échapper. Qu'elle était ardente, Anatolie, et puérile si joliment, imprévoyante et confiante. Curieuse de Paris, non, satisfaite d'y arriver. Et elle triomphait de l'unique joie d'avoir mené à bien sa résolution. Après cela, elle était toute dépourvue de projet. Le projet le plus malaisé ayant abouti, le projet qui avait durant des années accaparé tout son effort et tout son rêve. On l'eût déconcerté en lui demandant quel dessein l'occupait. Son dessein ne l'avait-elle pas réalisé ? Comme la branche qui a trouvé sa liberté verdoie, elle rayonnait. On l'eût admirée avec un peu d'appréhension, pourtant de grâce aventurée.